sur le 96.2 si vous venez de nous rejoindre, Chantal, avec vous jusqu'à 16h30 pour votre émission Groove Tropical. Groove Tropical, la pause couleur Caraïbe, chaque jeudi entre 14h et 16h30 pour un très très bon son qui nous vient des Antilles, bien sûr, la musique de votre été. C'est cet après-midi et c'est dans Groove Tropical. À tous un très très bon après-midi en ma compagnie, Chantal, qui vous accompagne comme ça avec le maximum de soleil. On va continuer avec du zouk, bien entendu, Mademoiselle Loba, avec ce titre à contre-sens. Elle a dit trop rêvé d'histoire d'amour qui m'avait toujours. On se conditionne à ne pas voir ce qui change au fil des jours. Je t'aimais si fort, au point d'y croire à tort. Et mon cœur parle à ma tête. Tout n'est qu'illusion, il faut que ça cesse. Et je voudrais te dire ce que tu veux, tout ce que j'ai pu lire au fond de tes yeux. Mais ce serait te mentir, car je sais que mon cœur n'est pas plus pour te. À contresens, à contresens, à contresens, cœur m'a changé chemin. À contresens, à contresens, à contresens, fais-moi songer à demain. Nous a joué un tour et on s'est laissé prendre au jeu. Avant ne parler que d'amour, mais je n'ai plus les mêmes voeux. Mon cœur voudrait faire demi-tour, mais je sais qu'il ne peut. Et je dois te laisser pour ne pas souffrir à mon tour. J'aurais voulu t'offrir l'amour éternel, car je sais qu'à tes yeux je suis la plus belle. Je ne veux te voir souffrir, pour ça je me dois de te dire adieu. À contresens, à contresens, à contresens, cœur m'a changé chemin. À contresens, à contresens, à contresens, fais-moi songer à demain. De se rendre à l'évidence, de mon bien au-delà de la confiance. Tu sais, mais je dois te laisser. Et ce tourment dans lequel la rancœur se met à la peine, nos frères. Et je voudrais te dire ce que tu veux, tout ce que j'ai pu lire au fond de tes yeux. Mon cœur ne bat plus pour deux. Je t'aimais, je t'aimerais d'un amour que moi seul connais. Et ce mal que je m'apprête à commettre, ça m'a pris du temps, mais c'est constamment que je fais de l'avant. Je t'aimais, je t'aimerais plus fort qu'aucune autre ne le pourrait. Et quand la raison prend le relais, le cœur se tait. Je t'aime, je t'aime. Et je t'aimerai, je t'aime, je t'aime, et je t'aimerai, je t'aime, je t'aime, et je t'aimerai, mais je m'en vais. problème là. Problème nos fin piblis. Chaque jour mon a victime sans justice. Oh, ça fait triste. Personne pas qu'à faire business. Moun pas à l'abri d'un pays. Prison chargée. Il en a pas joué. Oh, si moun pas qu'à à l'école. Pays à sans contrôle. Il s'en fout faire. La vie pas yon joué. D'un pays. Piga nous prend trop tard. Yeah. Mwen tombe sou yon foto, yon image ki vò mil mò. E se jou sa ki ou blese mò, avon vigre do ale. Ou te dim, la vi ou veje, ki ou te naiv, lè ou te reme mwen. Ke sa pap jan wive ou anko. Votre émission Groove Tropical avec quelques petites nouveautés cet après-midi dans votre émission jusqu'à 16h30. C'était Criolla avec ce titre « C'est dommage ». Beaucoup d'émotions quand même. On va continuer comme ça sur la très très bonne musique. Très très bon compas, pas tout à l'heure peut-être. Pas tout de suite, on va attendre encore un petit peu. Groupe Tropical 96.2, toute la musique couleur Caraïbe, rien que pour vous cet après-midi. Mmh. kusha boda boda. Oh mama, kakichoka kuchuma mboga. Oh mama, ay mama, shigidi ah, nakufa hoy wikidi ah. Ay mama, shigidi punk fire moto liquid. Aya tende tetema, oh mama tetema. Tipa tipa tetema, oh mama tetema. Aya tende tetema, oh mama tetema. Shuka chini tetema, oh mama tetema. Aya tende tetema, oh mama tetema. Tipa tipa tetema, oh mama tetema. Aya tende tetema, oh mama tetema. Shuka chini tetema, oh mama tetema. Tetema, yani kama vile generator. Tetema, kama mwizi kakupiga ngata. Tetema, mwendo wa kutunga kupepeta. Tetema, chini nikipulisa tarumbeta. Asa woza, doza, keza shogoroza. Kufa chali kama mende. Maria Rose, doza, tungi limegoza. Twende ni kupige nyembe. Rocky! You make my mind go kolo, kolo, kolo. Ukinuna tunie toro, toro, toro. Sani pesa digi digi. Washa. You know ya digi gigi. Funga kibinda mkwiji kwiji. Washa. Nikunyonge kazigi zigi. Tete. Oh mama tetema. Tipa tipa tetema. Oh mama tetema. Aya tuende tetema. Oh mama tetema. Shuka chini tetema. Oh mama tetema. Aya tuende tetema. Oh mama tetema. Tipa tipa tetema. Oh mama tetema. Aya tuende tetema. Oh mama tetema. Shuka chini tetema. Oh mama tetema. Kime, kime mpa. Kapandisha mizuka. Kime, kime mpa. Anaruka ruka. Kime, kime mama. Kicha kime, kime, kime mpa. Kapanda juu ya meza. Kime, kime mpa. Eti anavua shati. Kime, kime mpa. Kalewa anacheza. Kime, kime mpa. Yani varangati. Arc-en-ciel 96.2. La FM. La FM en couleur. Et le nom des verres qu'on y a pris. could do. I wanna hold you tight on the tile, on the tile. Turn off the light now, turn off the light. Wanna hold you tight on the tile, on the tile. Turn off the light now, turn off the light now. Cause I had enough. I might get 2-3 bottles or more. Get the right spot on the dance floor. I won't let go, I won't let go. No need to rush, we got all night. We might get freaky right here, who knows. I'm gonna hold you like it's our last time. And I won't let go, no. I wanna hold you tight, turn the tile, on the tile. Turn off the light now, turn off the light. Wanna hold you tight, turn the tile, on the tile. Turn off the light now, turn off the light now. Que fait tout, tout n'est dans le monde. da. Baby, je lance les gens, moi c'est le but en ça. Si en cas où nous piquer, il fait long. Arc-en-ciel, arc-en-ciel, en harmonie, la FM en couleur, en couleur. Chaque jeudi, entre 14h et 16h30, le meilleur de la musique qui nous vient des Antilles, qui nous vient de la Caraïbe, avec du zouk, du compas, etc., etc. En tout cas, ça va durer comme ça tout l'été, rien que de très belles couleurs. On va continuer comme ça après ce petit souvenir de Monsieur Michel Lignerolle. Je vous propose une nouveauté, enfin une nouveauté, pas tant que ça finalement, hein. Mais c'est quelque chose qui marche encore très bien. C'est Monsieur Shedley Brown, excusez-moi, je suis en train de dire en même temps, et c'est le titre j'aime particulièrement d'ailleurs. 14h, 16h30, c'est Chantal qui vous accompagne. Une fois sans battre qu'on est malgré tout. Pas une batte mon priorité. Pas une batte mes vies en premier. I used to take you for granted. But when I really, really want it, it's to see you by my side. Abandonné en commun, c'est femme qui est courage, qui est réel. C'est une femme qui aime la vie. C'est une femme qui respecte l'amour. Oh, I used to take you for granted. Oh, and I really, really want it. It's to see you by my side. Fais tout chanter. Après Arc-en-ciel 96.2. La FM, la FM en couleur. Aïe baby, aïe baby, m'coule les têtes, m'coule les épaules, avec frère ensemble nous. Ah ah, normal. Nous capoter, nous causer, nous c'est un week-end prolongé. Prolongé. Fini les compresser. Levez l'homme en l'air. Achève-moi nous qu'à y balancer. À gauche, à gauche, à droite, à droite, à gauche, à gauche, à droite, balancer. À gauche, à gauche, à droite, à droite, à gauche, à gauche, à droite. OK. Costard, pantalon, chemise. Valide. T-shirt, jean et puis tennis. Valide. Walk, talon, aiguille ou leggings. Valide. Nous pas venir faire feeling, nous venir pour amuser. Qui ou jeune, qui ou grand, qui ou nègre, qui ou blanc. Nous pas qu'à faire semblant. Les nous qu'à poquer, nous nous cassons. Bon, soyez à nous pas stressés. Nous qu'à poquer, nous causer, nous c'est un week-end pour nous jeter. Nous finis décompresser. Levez l'homme en l'air. Achève-moi nous qu'à y balancer. À gauche, à gauche, à droite, à droite, à gauche, à gauche, à droite, balancer. À gauche, à gauche, à droite, à droite, à gauche, à gauche, à droite. Karimi, X-Men, fait être collé. Sous Paris, ça. Déplacez là. Pasado el tiempo. vamos a querer por toda una eternidad. Estaremos unidos. Je me sens désolée.

C'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les yeux, plein les oreilles. restera sans nous. Même si le monde entier s'écroule autour de nous, il en restera toujours assez pour les fous. Okay. contre toi, sans toi je suis rien. Ne crois pas pour moi, tout ça me compte. De t'entendre, mes journées sans toi me paraissent longues. Je suis posé devant la télé et j'attends. Je pense à toi quand je vois une ombre. Je prie pour qu'on soit libéré, car mon nez réclame ton odeur. Et quand on sera libéré, je viendrai caresser ton cœur. Tu me hantes, tu me manques, oui, je te veux. Je pense à quand on sera tous les deux. Je te sentir te regarder dans les yeux. Dans les yeux, y a pas mieux. Tu me hantes, tu me manques, oui je te veux. Je pense à quand on sera tous les deux. Je te sentir te regarder dans les yeux. Dans les yeux, y a pas mieux. Comme t'es loin de moi, je regarde tes photos. J'ai de nous sur la route 66 à fond dans l'auto. Pourvu que ça termine vite, on se retrouve au chaud. Sauna et jacuzzi avec un vin de Bordeaux. Comme t'es loin de moi, je regarde tes photos. Sur la 66 à fond dans l'auto. Pourvu que ça termine vite, on se retrouve au chaud. Sauna et jacuzzi avec un vin de Bordeaux. Matin au réveil, j'ai reçu des nudes. Y'a que toi et ton corps dans mes amis. Grâce à toi, bébé, j'ai écrit des tubes. Après confinement, l'album sort, c'est promis. Et je peux te jurer que plus jamais je vais te laisser. Quelques semaines sans toi, je n'ai jamais rien autant détesté. Tu me hantes, tu me manques, oui, je te veux. Je pense à quand on sera tous les deux. Je te sentir te regarder dans les yeux. Dans les yeux, y'a pas mieux. Tu me hantes, tu me manques, oui, je te veux. Je pense à quand on sera tous les deux. Je te sentir te regarder. À fond dans l'auto, vu que ça termine vite, on se retrouve au chaud. Allez, jacuzzi avec un vin de Bordeaux. Comme t'es loin de moi, je regarde tes photos. Sur la 66 à fond dans l'auto, vu que ça termine vite, on se retrouve au chaud. Allez, jacuzzi avec un vin de tes photos, j'ai de nous sur la route 66 à fond dans l'auto. Pourvu que ça termine vite, qu'on se retrouve au chaud. Sauna et jacuzzi avec un vin de Bordeaux. Comme t'es loin de moi, je regarde tes photos. Sur la 66 à fond dans l'auto. Pourvu que ça termine vite, qu'on se retrouve au chaud. Sauna et jacuzzi avec un vin de Bordeaux. Arc-en-ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Séance de Zouk Rétro avec Ludo, bien entendu, vous l'aviez reconnu, un méga mix réalisé par Christian Yaye. Moi, je vous propose de rester comme ça, justement, avec une petite page rétro. On retrouve tout de suite Emma Ludo avec Phil Control. L'album section Zouk All Star, le groupe Alliance, et c'est blessé. Puis après, petite ambiance, tiens, avec un petit clin d'œil à quelqu'un que j'aime beaucoup, Jean-Marc Adinan. Et le titre Hélicoptère, ça va swinguer. 14h, 15h30, votre émission Gros Tropical, c'est Chantal qui vous accompagne. Viao, passons ta ligne, vous c'est celle, espoir uni, c'est vous celle, sans sa la vie. Yeah. passé et à classer. La FM, la FM en couleur. Chukuchu, chukuchu, chukuchu, chukuchu, chukuchu, chukuchu, chukuchu, chukuchu, chukuchu, chukuchu. cap défilé. Ou déjà pour moi ma vie volée. Mais pour moi c'est ta tasse café. Chaque matin que je pars cap à boire. Mais pour j'en ai pour moi. Mais le même plus belle passé la beauté. Dans le comptable quelque chose. Ma galerie chaque jour m'a donné. Baby. Depuis où rentrer dans la douche, moi pas gain l'autre choix que pour me suivre. Depuis moi garder, moi tenter, tant qu'on soldat paré pour le tirer. Tout parti n'a pas ou excité, mais si on pas gain choix que pour me dévoler. La justice toujours plus pressée. krasè lèk zèm sou malè lè Mè mè ta fè ya bè si gilè Se yo pigou ki mi lè chè Yo vin pò e bi alè San yo pa negosye Fè isi la api pou an fè lè Nan mi tan yo man pò chè Sak nan reposisyon Bi fòv lè pran e pi ale So yon va negosye Pe yon si la kari pou an fèlè Nan mi tan yon pan kouje La la la Sa pa jam d'accord Yo ta préféré le mort Mais li ta belle si kèk nan nou Va choisi défend pays nou Pren richesse nou ak force nou Pour nous sauver l'honneur Qui les racaille Va suspendre mon Sem konnen parmi nou E sak pa jom d'accord Yon ta prefere le mort Men li va belle kek nan nou Va chwazi met gran moun son nou Ba riches nou ak fos nou

c'est la guerre. Quand on parlait, me traite de macho. Donne des leçons, c'est pour ma mère. Elle me plaît, mais il faut être costaud pour supporter son caractère. Elle me veut, il n'y a pas photo. Et c'est ça qui lui fout les nerfs. Son homme, elle doit le contrôler. Moi, y'a pas moyen qu'on me mate. Si elle espère me changer, comment s'y prendra d'elle, j'ai. Elle était avant, dans les compliments, dans les sentiments. Elle n'est plus dedans. Toutes me les faire. Je peux pas payer quand on va au resto. Elle veut que personne ne la gère. Je ne lui ferai aucun cadeau. Vu qu'elle est remplie de manières, j'espère que nos débats seront chauds. Pour moi là on fera la paix. Son homme elle doit le contrôler. Moi y'a pas moyen qu'on me mate. Si elle espère me changer, comment s'y prendra-t-elle, j'ai hâte. Elle était avant, dans les compliments, dans les sentiments. Elle n'est plus dedans. Soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Yo, yo, c'est la gueule le dog. Jaja. Yo, me red, and this a gala a top me head. She a bubble and a mash up me met. Be a gala would a pop out the lead. When you turn in that wave, crack up the leg. I make you a galang suffer. Healthy body trail from Africa. Harvey goes back to Gambia at night. Here we are, Jamaica. If you keep on whining like that, keep on bubbling like that, keep on whining, you go get what you deserve, girl. Keep on whining like that, but you start gyrating like that. Keep on whining, you go get what you deserve. Body girl, then vibrate. Thick girl, slim girl, mama, make you not communicate, mama. Go down and pick up the pace, mama. I like the way you say shit, mama. Put that thing on rotate, mama. Baby, put me in my place, mama. You know I go fly for your case, mama. Baby, go down with the pace, mama. Take it easy. Girl, come and please me. Cool it down, down, down. Go down. Cool it down, down, down. Go down. Take it easy. Down, down, down, go down, pull it down, down, down, go down. Vibrate, vibrate, vibrate, vibrate. Thick girl, slim girl, vibrate. Skinny girl, soft girl, vibrate. Vibrate, vibrate, vibrate, vibrate.

presque 16h30 sur la FM tout en couleur. Il est l'heure pour moi de vous quitter. Ne vous inquiétez pas, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle émission Groupe Tropical avec eh bien, le meilleur du son, bien sûr, qui nous vient de la Caraïbe. En attendant, je vous souhaite à tous un très très beau week-end. Il va faire beau, il va faire chaud. Profitez-en, restez bien tranquilles et puis surtout, surtout, prenez soin de vous. À la semaine prochaine, bye bye. Couleur. I've never seen a good life. You scream, there's nothing more.